Section 49, deuxième partie, chapitre 18. « Je vous attendais, madame, » dit le docteur Louville, lorsqu'il vit entrer Charlotte dans son cabinet. Charlotte, surprise, se tourna vers Georges pour lui demander l'explication de ses paroles. « Je veux dire, » continua le médecin, « qu'un jour ou l'autre, vous deviez me revenir. Je regrette seulement que ce soit si tôt. Que se passe-t-il donc ?» Ce fut Georges qui se chargea de répondre, en répétant le récit que Charlotte lui avait fait. « Ainsi, demanda le docteur Louville, les hallucinations visuelles sont devenues plus fréquentes. »« Surtout plus violentes, » répondit Charlotte. « Parfait. Il ne s'y mêle pas des hallucinations de Louis. Ainsi, il n'entend pas des voix. »« Je ne crois pas. » Lorsqu'il a été trouvé le docteur Verbiste, n'est-ce pas une voix qui lui a ordonné de se faire crever les yeux ?« Je ne sais pas. » »« Vous ne savez pas. Pour moi, cela est probable. » Ces deux hallucinations vont généralement ensemble. Maintenant, que désirez-vous de moi ? Un conseil, dit Georges. Je ne puis pas vous donner d'autre conseil que celui que j'ai déjà indiqué à madame et qu'elle a repoussé, l'isolement dans une maison de santé. Vous ne pensez pas que madame puisse soigner utilement son mari chez elle ? Avant de me prononcer d'une manière décisive, j'ai besoin d'examiner le malade. Tout ce que je puis aujourd'hui, c'est répéter ce que j'ai déjà dit en l'appuyant, car les circonstances sont plus graves qu'elles ne l'étaient la première fois que j'ai eu l'honneur de voir madame. « Vous entendez ?» dit Georges, se tournant vers Charlotte. Le docteur Louville adressa à Georges son plus aimable sourire et d'un ton de gronderie amicale. « Ne soyez pas trop sévère pour madame, » dit-il, « et mettez-vous à sa place. Elle aime son mari, elle veut le garder auprès d'elle. Quoi de plus naturel ?» Et puis d'un autre côté, madame, nourrie contre les maisons de santé des préjugés que partagent par malheur quelques gens du monde. Voilà son excuse. « Mon mari m'a fait promettre de ne jamais le placer dans une maison de santé. » « A-t-on jamais vu une personne raisonnable exiger un pareil engagement ?» s'écria le médecin. « Cela seul suffirait pour constater la folie chez votre malheureux mari. Mais vous n'aviez pas le droit, madame, de prendre un pareil engagement. Votre mari ne vous appartient pas. » Que son état compromette l'ordre public ou la sûreté des personnes, et le préfet de police ordonnera d'office son placement dans un établissement d'aliénés. Il ne compromet ni l'ordre public, ni la sûreté des personnes. Vous le croyez, mais qu'en savez-vous? Un aliéné, madame, n'est pas un malade comme un autre, qu'on peut soigner tranquillement à sa manière. C'est à nous, médecins aliénistes, qu'il appartient de prononcer si un malade est ou n'est pas dangereux, et non aux gens du monde. Je veux bien admettre avec vous que votre mari n'est pas dans un état qui compromette la sûreté des personnes. Mais êtes-vous certaine qu'il ne compromettra pas sa propre sûreté? Parce que vous voyez votre mari raisonner juste, le plus souvent, et ne déraisonner que rarement. Parce qu'il est debout, parce qu'il mange, parce qu'il va et vient, comme tout le monde, vous ne le regardez pas comme menacé de mort. Hélas! Eh bien, sachez, madame, que si vous le laissez libre de faire ce qu'il veut, il est aussi bien en danger que s'il avait une fluxion de poitrine, une fièvre typhoïde ou le choléra. Vous ne savez pas où conduisent les hallucinations. Tenez, un halluciné croit apercevoir sa femme aux prises avec les assassins. Il se figure qu'il ne peut la secourir. Il prend son rasoir et se coupe la gorge. Un autre croit voir sa femme entre les bras d'un surveillant. Il se jette sur ce gardien et le tue. Un soldat au régiment croit la nuit voir l'image de sa fiancée qui serait morte au pays. Il se tue pour la rejoindre. » Pendant que le docteur Louville parlait, Charlotte tenait sa montre dans sa main, et bien qu'elle écoutât, avec une poignante angoisse, les explications du médecin, elle suivait sur le cadran la marche des aiguilles. Encore quelques minutes, il serait 4 heures. « Je pourrais vous citer des exemples de ce genre jusqu'à demain, » continua le docteur Louville. « Et si vous voulez lire un des nombreux livres publiés sur les hallucinations, vous verrez que le suicide est trop souvent la terminaison fatale de cette maladie. « C'est ce qu'il faut tout d'abord empêcher, » dit Georges. « Ensuite, nous chercherons la guérison. » « J'ai indiqué le seul moyen. Madame l'a repoussé et le repousse. Si vous êtes convaincu, monsieur, que la vie de monsieur Narbanton est en danger, prenez vous-même les mesures que la loi met à votre disposition, ou demandez le placement de votre parent dans une maison de santé. Ou, si vous craignez de la résistance, provoquez l'interdiction. Faites-vous nommer tuteur, Alors vous agirez pour le mieux des intérêts du malade, malgré madame, s'il le faut. Plus tard, lorsque nous lui rendrons son mari guéri, elle nous saura gré de la violence que vous lui aurez faite. Au reste, je n'ai pas besoin d'insister sur ce point auprès d'un jurisconsulte tel que vous. Vous savez aussi bien que moi ce que la loi vous permet. » Charlotte, se levant vivement, se plaça entre Georges et le docteur Louville. « Ne croyez pas, dit-elle, que je veuille lutter contre vous ou lutter contre la loi. Ce que j'ai voulu, ce que je veux, c'est sauver mon mari. Pour cela, je donnerai ma vie. Vous ne me touchez donc pas quand vous me dites que je l'expose en gardant Emmanuel. Si je ne me suis pas rendue au conseil qu'on me donnait, c'est parce que j'ai cru que je pouvais donner à mon mari des soins meilleurs que ceux qu'il recevrait dans une maison de santé. J'ai cru aussi que, puisque sa principale maladie était la peur de la folie, il ne fallait pas lui prouver qu'il était fou en l'enfermant avec des fous. Enfin, j'ai voulu le garder parce qu'il est mon mari et que c'est mon devoir de me consacrer à lui. « Votre devoir ne va pas jusqu'à vous obliger au sacrifice de votre vie, » dit sentencieusement le médecin. « Chacun comprend le devoir à sa manière, et à cet égard, j'entends me diriger d'après mon propre sentiment. » « Alors, ma chère cousine, il est inutile de demander des conseils, » interrompit Georges. « Il est des conseils que j'accepte, il en est d'autres que je repousse. Vous me dites qu'en gardant mon mari près de moi et en refusant de le placer dans une maison de santé, je compromets sa vie. Je ne croyais pas. J'espérais au contraire le soutenir et par mes soins empêcher son mal de s'aggraver. Mais enfin, il est possible que je me trompe et que les transes qu'il m'a fallu traverser en ces derniers temps aient égaré mon jugement. J'ai été si bouleversée, je l'ai entendu si souvent me supplier de ne pas l'abandonner. J'ai vu si souvent son effroi à la pensée qu'il pouvait devenir fou et qu'on le placerait dans une maison de santé. Que, sans doute, j'envisage mal la situation. Je vois par ses yeux. Enfin, au milieu de tous ces tourments, tiraillés de tous côtés, j'en suis venue à ne plus savoir que faire, ni comment me diriger. Dans ce désastre, vous dites que je dois suivre votre avis, sous peine de perdre mon mari. Mon sentiment, je vous l'avoue, se refuse à vous écouter. Mais je comprends que dans des circonstances aussi terribles, je ne puis pas me laisser guider par mon sentiment. Vous, « Monsieur, » elle se tourna vers Louville, « vous êtes médecin et votre nom fait autorité. Vous, » elle s'adressa à Georges, « vous êtes mon cousin, mon camarade d'enfance, l'ami de mon mari. Tous deux, assurément, vous ne pouvez avoir qu'une chose en vue, sauver Emmanuel. Vous vous réunissez et vous me dites que je dois le placer dans une maison de santé. Mon cœur, mon sentiment, mon instinct, tout en moi se révolte contre ce conseil. Mais je suis seule contre vous deux. Je suis une femme ignorante, et mon instinct, je le reconnais, ne peut pas prévaloir contre votre opinion raisonnée. Cependant, permettez-moi encore de résister. » Georges fit un geste pour interrompre. « C'est un dernier effort, dit-elle, et je vous prie de me laisser vous l'expliquer librement, car je n'ai que quelques minutes à moi. Il faut, vous le savez, que mon mari me trouve chez moi lorsqu'il va rentrer. Voici ce que je voudrais. Il est impossible qu'on fasse enfermer mon mari sans qu'un médecin l'ait vu. » « Assurément, dit le docteur Louville. Alors, monsieur, je vous demande de le voir. Je suis à votre disposition. Mais je vous demande aussi de ne pas le voir seul. Ne soyez pas blessé par ma prière. Certainement, j'ai toute confiance en vous, mais enfin, vous pouvez vous tromper. Tous les jours, un médecin admet un de ses confrères en consultation. Vous choisirez vous-même ce confrère. Ce que je désire seulement, c'est que par son nom, il impose son ordonnance, de sorte qu'il ne soit pas possible d'hésiter ou de revenir en arrière quand il aura prononcé. « Et où voulez-vous que ces messieurs voient Emmanuel ?» demanda Georges. Je pensais à cela. Le voir franchement en disant qu'on vient l'examiner est impossible. « Cela n'est pas nécessaire. Avec ce que nous savons déjà, il suffit que nous puissions le revoir n'importe où, durant quelques instants, et le faire parler. « Eh bien, nous avons un ami chez qui nous pouvons nous rencontrer, M. Portail, le professeur du Jardin des Plantes, que vous devez connaître. »« Parfaitement, » répondit le médecin. « Alors, entendez-vous avec votre confrère et trouvez-vous chez M. Portail. Nous nous y rendrons de notre côté. Convenez de tout cela avec M. Safarel, je vous prie. » « J'irai vous dire ce qui a été décidé. »« Non, Veuillez seulement vous entendre avec M. Portail, que vous mettrez au courant de ce qui se passe. M. Portail, de son côté, nous écrira pour nous dire qu'il a besoin de nous à une heure qu'il nous indiquera. Par ce moyen, nous pourrons nous rencontrer certainement avec ces messieurs. Faites pour le mieux. Mon espoir est en vous, Georges, et en vous, monsieur. » Et sans autre adieu, elle sortit rapidement. « Voilà une petite femme qui prend les choses par le côté tragique, » dit Louville après le départ de Charlotte. « Elle a toujours été passionnée. Mauvaise disposition, ça peut conduire loin. Enfin, pour le moment, c'est de son mari qu'il s'agit. Voulez-vous que nous appelions Patras en consultation ? Qui vous voudrez ? C'est lui que le tribunal m'adjoint le plus souvent. Prenez-le, pour moi, peu importe, en vous et ma confiance. Prévenez-moi alors, quand vous vous serez entendu avec le bonhomme Portail. Vous le connaissez ? De nom, seulement. Eh bien, vous allez voir le bonhomme le plus étrange qui se puisse rencontrer ailleurs que dans une maison d'aliénés, atteint de la manie raisonnante au plus haut degré. Vous entendez par manie raisonnante ? Cette disposition qui fait que les maniaques raisonnants ont tous une sensibilité morale exagérée et très mobile. La moindre chose les exalte outre mesure, et alors ils parlent beaucoup et gesticulent. Avec cela, des qualités, mais plus brillantes que solides. Ce sont ces malades qui nous donnent le plus de peine. Les aliénistes seuls savent les reconnaître, et à leur égard, la majorité des médecins demeurent, comme le public, dans un état d'ignorance regrettable. Au reste, maintenant que vous êtes avertis, vous verrez. » Georges se dirigeait vers la porte quand le docteur Louville le retint. « Enchanté, monsieur Safarel, dit-il, de cette occasion qui nous réunit. Vous verrez ce que sont les médecins aliénistes. On nous a beaucoup attaqués en ces derniers temps. Je suis bien aise que vous nous voyiez à l'œuvre. Si jamais la loi de 1838 est discutée devant la Chambre, vous pourrez parler de l'aliénation mentale avec une expérience personnelle et réfuter les préjugés qui ont cours parmi les gens du monde. Nous serons fiers d'être défendus par une voix comme la vôtre. Et peut-être même alors parlerez-vous au nom du gouvernement, car tout nous amène à un ministère libéral où votre place est marquée d'avance. » Fin de la section 49.